frère charmant, comme ami, camarade ou frère. Mais comme mari, comme amour, ce n'est pas lui que je préfère. Au ciel, qu'est-ce que j'apprends là? Je comprends ça, je comprends ça. Et puis, sans pouvoir m'en défendre, j'en ai mis un autre déjà. Un autre? Un autre, plus gentil, plus tendre. Je comprends ça, je comprends ça. Ah, grand Dieu, je chancelle, je vais m'évanouir. Mais je crois cet autre infidèle, je crois qu'il pense à me trahir. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Et voilà le mystère. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Et voilà le mystère qui nous appelle. Cette femme étrange, voilà ce qu'on dit de nouveau. À Barras, elle avait su plaire, il trompait pour un violet qu'on appelle la Rivaudière. Violet, violet. À ton tour, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Elle ne s'arrête pas là, et cette femme singulière, pour un troisième amant, déjà, on ferait cela Rivaudière. Au ciel, qu'est-ce que j'entends là? Je comprends ça, je comprends ça. On le reçoit à domicile, et le vieux par cet amant-là, est traité comme un imbécile. Je comprends ça, je comprends ça. Ah, grand Dieu, je chancelle, je vais m'évanouir. Et c'est avec mon infidèle qu'elle pensait à me trahir. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Et voilà le mystère. Je suis la Rivaudière. Je le savais. Vous le saviez. Parfait, et moi je suis mon ami Pompadour. Vous le saviez. Je le savais. Vengeance, il faut soudain. Oh, de la prudence. On pourrait nous surprendre ici. Ciel, tout là-bas, se peut-il? Où est-ce? C'est lui. Et lui. Plus qu'une parole à dire, je désire aujourd'hui pouvoir me venger de lui. C'est cela, si vous là, vous allez me connaître. Et peut-être tous deux, en serez-vous plus heureux. Oui, ma foi, je veux voir, c'est mon destin à dire. Je désire aujourd'hui me venger aussi de lui. C'est cela, si vous là, vous allez me connaître. Et peut-être tous deux, en serez-vous plus heureux. C'est cela, sans effroi, vous allez me connaître. Et peut-être tous deux, nous serons heureux. Suivez-moi. Suivez-moi.